hope no fear. rhizomatic. Black we'll be right back. Personne n'a été capable de sortir le titre de la chanson quand même. Il y a un truc bizarre. Regarde. Yeah. Collectif A. We'll be right back. try. Thank you guys, thank you very much. Good session. Thank you. ne plus se laisser distraire, désarçonner. Sensation mal contrôlée. Mal contrôlée. Même plus besoin de parler en anglais. Suffirait de repenser au poète. Arthur Rimbaud, Joachim Dubélé, tellement frères humains qui apprennent un François Villon, pour ceux qui ça connaissent. Between time and space, continents. Thank you, Darwin. Thank you, network. Thank you, internet. Rêve tous.